22 décembre dernier a été présentée au musée du Mammouth à Yakoutsk, la dépouille d'un jeune canidé retrouvé dans le pergélisol sibérien par des chasseurs d'ivoire. Les analyses ont révélé que l'animal avait environ 2 mois au moment de sa mort, il y a 18 000 ans. Était-ce un chien, était-ce un loup? Les premières analyses ADN n'ont pas permis de le déterminer. La suite de ces analyses devrait permettre de classer cet animal dans l'arbre phylogénétique encore très controversé qui sépare le loup sauvage du chien domestique. À ce titre, le spécimen a été appelé Dogor, ce qui signifie « ami » en langue yakout, mais aussi en anglais « chien » ou au chien, vous serez tout sur les toutous, c'est le programme évolutif qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour retracer cette histoire évolutive qui conduit de l'apparition des caninés dans la branche des mammifères jusqu'à la séparation de Canis lupus et de Canis lupus familiaris, du noble loup sauvage au plus rabougri des carlins, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Eva Maria Geigel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche CNRS, co-responsable d'une équipe de paléogénomique à l'Institut Jacques Monod à Paris. Et nous sommes en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Armorique à Rennes avec Christophe Hitt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur de recherche CNRS au sein de l'Institut Génétique et Développement de l'Université Rennes 1. Mais avant de nous enfuir dans le merveilleux monde de nos amis les chiens, elle est de retour et elle aime tous les toutous sans exception. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec une étude parue dans la revue des Lancet. Les tensions sociales ont des conséquences sur la santé mentale. Et c'est une vaste étude épidémiologique menée par les chercheurs de l'université de Hong Kong. Hong Kong qui traverse une grave crise politique de plus en plus violente depuis le mois de juin. Alors pendant 10 ans, entre 2009 et 2019, l'équipe a questionné un échantillon de plus de 18 000 personnes. Résultat, il existe une corrélation entre troubles sociaux et santé mentale. Depuis le début des manifestations, le taux de dépression et les cas de stress post-traumatique augmentent. Un tiers de la population adulte est concernée, c'est 6 fois plus qu'après le mouvement des parapluies en 2014, qui était aussi un beaucoup moins violent. Delphine Trabert est docteure en psychologie sociale au laboratoire interuniversitaire de psychologie de Chambéry. Selon elle, les séquelles psychologiques des tensions sociales sont sous-estimées. Le trouble du stress post-traumatique, donc, on se base pour ça sur des critères bien précis. Du DSM, actuellement on est au DSM-5, et on doit retrouver un certain nombre de symptômes, dont 5 types de symptômes, autant de la dépression, l'altération de la cognition et de l'humeur, des troubles d'hyperactivité, et que ces symptômes soient présents 1 mois après l'événement traumatique. À partir de là, on peut diagnostiquer un trouble du stress post-traumatique. Donc dans l'étude actuelle, ils ont utilisé un questionnaire standardisé dans la littérature, qui évalue les symptômes, et puis ils ont pu comparer comme ça l'évolution des symptômes au cours du temps. Donc c'est une étude qu'on appelle quasi-expérimentale, ça se base sur des corrélations pour identifier un lien probable de cause à effet. Eux, dans leur étude, tout mêlé, trouble du stress post-traumatique et symptômes de dépression probable est autour de 20%, donc ce qui est vraiment élevé. Et par exemple, lors d'attaques terroristes, on observe 10% de symptômes dans la population. Donc on est vraiment dans des taux comparables à des conflits armés et lors d'attaques terroristes. Voilà, si vous voulez retrouver l'étude originale publiée dans The Lancet, nous avons posté le lien comme tous les jours sur notre compte Twitter @lamethodefc. Vous pouvez retrouver tous ces liens sur le site de l'émission sur franceculture.fr. On passe au bref. Une seconde collision d'étoiles à neutrons vient d'être détectée. Et la première détection par onde gravitationnelle d'une fusion d'étoiles à neutrons, c'était en 2017. En avril 2019, les instruments LIGO et Virgo ont détecté des ondes gravitationnelles provenant d'une galaxie très lointaine, à 520 millions d'années-lumière de nous. Lors de la dernière réunion de l'Association américaine d'astronomie, les astronomes ont confirmé que cette détection provenait de deux étoiles à neutrons particulièrement massives qui ont fusionné en un seul objet. La masse totale est estimée à 3,4 masses solaires. Alors on ne sait pas encore si cette fusion a entraîné un nouveau type de trou noir, un petit trou noir, ou si elle a généré la plus grande étoile à neutrons jamais détectée. Au Danemark, près de la moitié de l'électricité est générée par des énergies renouvelables. Et le secteur éolien a couvert 47% des besoins en électricité du pays. Un chiffre auquel on peut aussi ajouter le secteur solaire. C'est ce que rapporte EnergyNet, le réseau de transport d'énergie danois. Le royaume investit dans l'énergie verte et développe de nombreux parcs éoliens. Le Danemark cherche à se convertir totalement aux énergies renouvelables et espère atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Et enfin, selon une étude parue dans la revue eLife, nos corps ont changé de température. Oui, nos corps se refroidissent. La température moyenne corporelle n'est plus de 37 degrés, mais de 36,5 degrés. C'est la découverte des chercheurs de l'université de Stanford, en Californie. Alors, ils ont comparé les mesures de température de près de 6000 Américains, de la révolution industrielle jusqu'à 2017. Depuis 1860, le corps perd environ 0,03 degrés par décennie. Ce n'est pas que les thermomètres sont devenus plus précis, mais selon les auteurs de ce papier, cela serait lié à nos conditions de vie. Plus de vaccins, plus d'antibiotiques et moins d'infections, notre système immunitaire serait moins actif et nos tissus corporels seraient moins enflammés. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Alors était-ce un loup, était-ce un chien, était-ce même pourquoi pas une étape intermédiaire entre le loup et le chien? Pour l'heure, les premières analyses ADN n'ont pas permis de trancher sur la nature exacte de Dogor, cette dépouille de canidés retrouvée dans le permafrost sibérien, âgée de 2 mois et morte il y a 18 000 ans. C'est cette date qui a affolé la communauté des paléozoologistes. 18 000 ans, ce Dogor pourrait être l'équivalent d'une sorte de chaînon manquant entre le loup sauvage Canis lupus et le chien domestique Canis lupus familiaris. Si on sait de façon certaine que le loup est le tout premier animal domestiqué par l'homme, il reste encore de nombreuses questions et de nombreux points d'interrogation sur les étapes de cette domestication. Écoutez cet archive, c'est l'extrait d'une conférence de Ludwig Koch sur les carnassiers et les canins diffusée sur la radiodiffusion française en septembre 1951. Le chien le plus sauvage et le plus dangereux, c'est le loup. Se trouver face à face d'une meute de loups dans la Sibérie, c'est d'une aventure qui généralement ne peut arriver qu'une fois. Le loup a un véritable hurlement avec un trait d'aboiement. Dans quelques secondes, vous allez entendre les cœurs d'hurlement des loups, et je suis sûr que cela va vous faire frissonner. Mais être à l'écoute, à la radio, ne vous fait pas de mal. L'hurlement et l'aboiement sont une expression de communauté. Le hurlement solo de la tête de la meute attire l'attention sur une proie. Voilà ces hurlements de loup de Sibérie glaçant. Peut-être un mot pour commencer aujourd'hui, Eva-Maria Geigel. On est sûr que le chien descend bien du loup. Il y a d'autres hypothèses qui ont été envisagées à un certain moment. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de doute. Les hypothèses précédentes, par exemple, Conrad Lorenz, pendant un moment, estimait qu'il était possible que les chiens domestiques descendent du coyote. Ça a été complètement abandonné. Oui. Donc ça, c'est grâce à la génomique qu'on est sûr. Oui. Christophe Hitt ? Oui, exactement. Il y a longtemps eu 3 candidats au poste d'ancêtre du chien. Le loup, le chacal, le coyote. Mais je dirais que la génétique a définitivement tranché. Comment est-ce qu'elle a fait ? C'est qu'elle a analysé les séquences d'ADN des différentes espèces et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de similarités entre le loup et le chien, plus de 99%, alors qu'il y a que 96% de similarité avec le chacal, avec le coyote. Donc les les preuves sont désormais présentes. Sont formelles. Il reste néanmoins, je le disais, un grand nombre de questions en suspens autour de cette domestication, de la première de l'histoire. Les autres domestications plus tardives posent moins de questions, recèlent moins de mystères. Aujourd'hui, par exemple, Eva Maria Geigel, la date de domestication est un grand sujet de controverse. Je dirais pas que c'est clair pour toutes les autres espèces, mais c'est peut-être c'est moins complexe. Non, c'est moins lointain. Je dirais pas non plus. Bon, d'accord, non. Alors très bien. Mais bon, c'est complexe pour le chien, oui, aussi. Sur la date de domestication aujourd'hui, quel est le consensus, si tant est qu'il y en ait un, qui soit retenu? Je sais pas si on peut parler de consensus. Parmi les paléontologues et archéozoologues, il y a la controverse entre 14 000, je dirais, et 33 000. Ça fait quand même beaucoup. C'est toute une autre culture, ça concerne d'autres populations humaines qui auraient domestiqué le chien. Parmi les génomiciens aussi, les paléogénomiciens de ce cas-là, il y a aussi controverse. Donc, il y avait un papier qui est sorti il y a 2 ans, qui a été contredit par un papier qui est sorti l'année dernière. Donc, là aussi, ça dépend des méthodes d'analyse qui ont toutes leurs biais et qui avancent aussi. On les maîtrise de mieux en mieux. Donc, maintenant, on s'approche. Oui, il y a des dates avancées qui sont entre. Plutôt vieux en fait. Ça, plutôt plus ça ancien. Remonte, oui, ça remonte dans le temps. Mais c'est toujours, il y a toujours un doute. Un doute. Christophe, on aura l'occasion évidemment de revenir sur les différents arguments qui font pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. Mmh. Aujourd'hui, on peut dire, Christophe, qu'effectivement, on est sur une fourchette à la louche entre 20 et 40 000 ans. Voilà. Eva Maria a raison, c'est controversé. Peut-être le consensus que l'on peut définir, c'est qu'il y a une fourchette, 14-15 000 ans, c'est sûr, le chien était domestiqué, jusqu'à peut-être 25 000, 30 000 ans. Cette fourchette étant donnée, elle reste vaste, et puis maintenant, il va falloir affiner les connaissances. Et puis Christophe, il y a aussi une autre controverse, Eva Maria Geigel l'évoquait, entre les deux papiers dont on reparlera, hein, publié dans Science, l'autre dans Nature Communications, c'est celui de la double origine, de la double domestication. Tout à fait. Donc j'avais contribué à cette étude qui nous a amené à conclure à une double origine géographique de la domestication qui annonce que le loup a été domestiqué, le chien a donc été domestiqué à plusieurs endroits de l'Eurasie, probablement dans l'ouest de l'Europe et côté de l'Asie tout à fait orientale, et qu'au fil du temps, une population asiatique aurait petit à petit remplacé la population origine. Toutefois, d'autres collègues énoncent des choses différentes, avec plus un continuum de domestication. Donc ça reste à débat, et je dirais que ce seront les prochains restes fossiles, les prochains échantillons qui vont nous permettre de progresser sur la question. Eva Maria Geigel, sur la double domestication, c'est un débat vif. On aura l'occasion, là aussi, de revenir sur les termes de ce débat qui est assez passionnant. Voilà, la dernière étude refuse cette double origine, hein, donc dit qu'il y a continuité en Europe. Donc en Eurasie de l'Ouest, pas de double origine. Donc la double origine plutôt due à un artefact, comme on peut dire, des méthodes d'analyse. On va revenir sur toutes ces questions, mais pour commencer, eh bien, on va replonger dans l'actualité la plus récente, à savoir la découverte de ce spécimen et de toutes les questions qu'il soulève. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15, nous parlons donc de la domestication du chien avec Eva Maria Geigel et Christophe Hitt, qui est avec nous en duplex depuis Rennes. Alors Dogor, parlons-en, découvert l'été 2018 par des chasseurs d'ivoire près du fleuve de l'Indigirka, si je le prononce bien. Qu'est-ce qu'on sait de ce spécimen, Christophe Hitt? Alors, ce que l'on en sait, c'est qu'il est avant tout, c'est un échantillon qui est remarquable pour son état de conservation. Vous pouvez voir les photos dans différents magazines, dans différents sites web. On les poste sur le fil Twitter de l'émission à l'instant. D'accord. Donc, l'individu, le spécimen, est issu donc du sol gelé en permanence de Sibérie, le pergélisol, ce qui a permis donc son état de conservation formidable. Deuxième élément que l'on sait, c'est qu'il date de moins 18 000 ans. Donc, c'est une date tout à fait passionnante parce qu'elle prédate un petit peu les dates de 14-15 000 ans pour lesquelles on est relativement sûr que le chien était domestiqué. Donc ça peut repousser un petit peu la domestication du chien. Troisième élément, et c'est là qu'il faudra en savoir plus, est-ce qu'on est déjà sur un spécimen qui est dans la lignée chien ou qui est encore dans la lignée loup? Et donc là, apparemment, les études des collègues n'ont pas permis de trancher cette question. Eva Maria Gegel, il y a des premières analyses ADN qui n'ont pas permis, pour le moment, de trancher cette question. Comment ça se fait que ces, puisque aujourd'hui on sait différencier l'ADN, comme vient de le dire tout à l'heure Christophe Hitt, 99,8% de similarité, mais il y a tout de même 0,2% de différence entre Canis lupus et Canis lupus palmiaris. Comment se fait-il qu'on puisse pas trancher sur ce spécimen de Dogor? Quand vous avancez ces chiffres, ce sont les chiens actuels et les loups actuels. Mais on ne sait rien des loups de l'époque. Et en plus, on peut imaginer, et il y a aussi des indications, qu'il y avait une structure de population parmi les loups. C'est-à-dire, il y a différentes populations de chiens qui ont des légères différences génomiques qu'on ne connaît pas forcément. Donc, ces spécimens de 18 000 ans pourraient très bien nous raconter l'histoire d'une population de loups qui n'est pas encore connue. Et quand les chercheurs disent qu'ils ne peuvent pas encore trancher, c'est aussi parce que c'était les premières analyses. Il faut probablement, c'est un échantillon ancien, c'est-à-dire l'ADN est très dégradé. Il faut mettre beaucoup d'efforts et beaucoup de séquençage pour avoir vraiment le génome, c'est-à-dire la lecture fiable de la séquence d'ADN dans ce génome. C'est beaucoup de travail, ça se fait pas d'un jour à l'autre. Donc, je pense quand même qu'ils vont arriver, j'ai pas de doute. Et ça va certainement rajouter une pièce majeure dans cette histoire, oui. Les chercheurs s'intéressent, Christophe Hitt, notamment à l'ADN mitochondrial. Pourquoi est-ce que cet ADN mitochondrial pourrait nous donner des indices que n'aurait pas donné l'ADN cellulaire? Alors, c'est-à-dire qu'on utilise beaucoup l'ADN mitochondrial, notamment en analyse d'ADN ancien, parce qu'il est plus présent dans une cellule que l'ADN nucléaire. Donc c'est aussi une question de disponibilité. Lorsque l'on peut séquencer l'ensemble du génome nucléaire, ça apporte énormément d'informations. L'ADN mitochondrial est un petit anneau d'ADN qui est présent dans la cellule. Il est présent en quelques centaines et quelques milliers de copies, donc on y accède relativement plus facilement que le génome nucléaire. Et pour rebondir sur ce que disait Eva Maria, pourquoi les collègues ont du mal à identifier leur échantillon? De deux choses l'une, l'ADN ancien est une molécule très dégradée, donc il est extrêmement difficile de la faire parler. Et deuxième élément, c'est que si c'est difficile à trancher, c'est que peut-être aussi on est dans une situation très ancienne où la distinction entre la lignée chien et la lignée loup est de plus en plus subtile, de plus en plus fine, donc de plus en plus difficile à affirmer. Ce qui est intéressant sur ce spécimen, Eva Maria Gegel, c'est qu'on est effectivement à moins 18 000 ans, donc on est exactement en plein milieu de la fenêtre que vous évoquiez, et donc on est potentiellement, alors évidemment la notion de chaînon manquant est complètement obsolète aujourd'hui en génétique, mais on est potentiellement à un moment donné aux alentours, ou en tout cas proche de cette distinction des lignées, et c'est ça qui peut être effectivement une pièce importante de ce puzzle évolutif. C'est vrai, comme a dit Christophe, hein, si on est proche de cette période de domestication, on aura du mal de distinguer le loup de domestiqué, parce que ça se passe quand même pas aussi vite, aussi bien morphologiquement que génomiquement. Maintenant, quand on regarde l'ADN mitochondrial, c'est vrai, c'est un marqueur, donc ça nous raconte une autre histoire qui n'est une histoire qui n'est pas forcément la même que le génome. Ça peut, par exemple, aussi nous raconter des histoires sur une différence de comportement entre mâle et femelle, parce que l'ADN mitochondrial est transmis juste par la mère aux descendants. Donc, on a tous, aussi bien les êtres humains que les chiens, l'ADN de nos mères. Et ça, les femelles et les mâles ne se comportent pas forcément de la même manière. Donc, ce sont des histoires différentes, mais c'est évident que l'ADN mitochondrial va pas nous raconter quoi que ce soit sur le phénotype, c'est-à-dire sur la morphologie, le développement, sur le fonctionnement de l'organisme. Donc, il nous faut le génome nucléaire, qui est aussi beaucoup, beaucoup plus riche en informations, pour raconter toute l'histoire. Mais mitochondrial, ça a tout à fait sa raison d'être. Et il n'est pas exclure, pour conclure sur ce spécimen d'Ogor, il n'est pas exclure non plus, Christophe Hitt, que ce soit ce qu'on appelle un cul-de-sac évolutif, c'est-à-dire que finalement ce soit une espèce qui n'est pas donnée, qui n'est pas proliférée par la suite et qu'on soit à un endroit qui ne va pas nous renseigner non plus particulièrement sur l'état de l'évolution de notre Canis lupus familiaris à nous contemporains aujourd'hui. Oui, exactement. Mmh. En effet, si c'est le début d'une lignée de chiens, est-ce qu'elle est arrivée jusqu'à nous? Est-ce que ce sont pas des tentatives de domestication collatérale qui n'ont pas eu de descendants et qui ne correspondent pas à nos chiens modernes? Donc, quoi qu'il en soit, cet échantillon va nous permettre de poser beaucoup de bonnes questions. Est-ce que l'on a une première lignée correspond-elle aux chiens modernes? Une lignée de chiens qui n'a pas abouti aux chiens modernes? Une lignée de loups que l'on ne connaît pas aujourd'hui? Quoi qu'il en soit, cet échantillon est important. Alors, on va évidemment suivre ça, cette enquête paléozoologique avec attention dans l'émission. Mais remontons donc un peu le fil du temps pour comprendre comment s'inscrit dans un temps plus large l'évolution de ces espèces qui aboutissent aujourd'hui à Canis lupus d'une part et à Canis lupus familiaris de l'autre. Quelles sont les espèces mères? D'où proviennent finalement ces espèces de caninés et de canidés in fine, Christophe Hitt? Alors, si on remonte très très loin, l'histoire des canidés, en fait, elle commence il y a près de 40 millions d'années, dans les grandes plaines américaines, où le groupe des canidés contient le loup, le chacal, les renards. Puis, l'évolution des espèces, que ce soit le chien ou les autres espèces, est liée essentiellement au changement climatique, et les canidés ne font pas exception à cette règle. Ils étaient en voie de diversification en Amérique du Nord, puis ils ont migré, se sont déplacés en Amérique du Sud via l'isthme du Panama, puis vers la zone, la Russie actuelle, via le détroit de Bering. Et les canidés arrivent donc il y a quelques millions d'années pour coloniser tout l'hémisphère nord. Et aujourd'hui, la famille des canidés regroupe de nombreuses espèces, plusieurs genres. Et les genres principaux sont les canis, c'est-à-dire le loup, le chacal, le coyote, les chiens sauvages, le chien domestique. Et l'autre genre assez répandu des canidés sont les vulpes, c'est-à-dire les renards. Peut-être un mot pour dire, puisqu'on parlait de cul-de-sac évolutif, que avant les canidés, il y a les caninés, il y a plusieurs grandes branches qui se sont toutes éteintes, Eva-Maria Geigel, les espérocyoninés, les borophaginés, les amphisyoninés, c'est-à-dire qu'il y a eu tout de même toute une population qui n'a pas abouti jusqu'à aujourd'hui. Comme pour tous les groupes de mammifères et autres espèces. C'est toujours un buisson qui, la plupart des branches, est éteinte. C'est aussi vrai pour nous. Évidemment. On peut en dire éventuellement un mot de ces espèces éteintes, Christophe Hitt. Pourquoi? Est-ce qu'on sait pourquoi les caninées se sont maintenues? Toutes ces espèces, quand on regarde un peu l'arbre phylogénétique, elles se sont superposées. Il y a une sorte de tuilage entre ces différentes espèces qui aboutissent in fine aux caninées. C'est très difficile à dire. Moi, je ne peux pas particulièrement répondre à ce questionnement. Quoi qu'il en soit, comme toutes les espèces, l'évolution va résulter d'un isolement et d'une adaptation. Donc, certaines espèces ont la capacité de s'adapter à un nouvel environnement, à une nouvelle situation. D'autres ne l'ont pas et vont disparaître plus ou moins graduellement. C'est ça. Quelles sont les premières traces que l'on ait du loup, de Canis lupus, du loup sauvage moderne? À quand est-ce qu'il remonte, Christophe Hitt? On a du registre fossile? Le loup, on en retrouve il y a plus de 30 000 ans, 36 000 ans. Si mes souvenirs sont bons, par exemple dans la grotte Chauvet, qui est bien connue en France, on doit avoir il y a des restes de canidés qui sont des loups. Les fossiles de loups, effectivement, remontent à 30 000, 40 000 ans. Et alors, peut-être une question toute bête pour Eva-Maria Geigel, oui? Je pense que ça remonte plus, mais... D'accord. Bon. Disons autour de 40 000 ans. Alors la question, c'est une question peut-être effectivement un peu bête, Eva-Maria Geigel, mais pourquoi est-ce que le loup est le premier animal domestiqué? Est-ce qu'on a une idée du fait que des raisons qui font que ce soit cet animal en particulier, qui est tout de même un animal sauvage, un animal agressif, carnivore, qui chasse en meute, on se dit par exemple le cheval pourrait être plus simple à domestiquer en premier. Pourquoi le loup? Est-ce qu'on a des indices? C'est comme nous, non? On est agressif, en chasse, en meute. Je crois que c'est ça. C'est au moins une hypothèse que les loups nous ressemblent. On était des compétiteurs pendant longtemps, dans les forêts ou dans les régions du Nord. Et on était vraiment des compétiteurs, on était probablement proches. Et on imagine que c'était les petits louveteaux qui ont été pris par les chasseurs-cueilleurs, qui ont grandi comme petits animaux de campagne, avec les enfants peut-être, et qui sont restés dans la meute humaine. Donc c'est vraiment parce qu'ils sont très très proches. Donc je pense que c'était beaucoup plus facile pour les êtres humains de s'approcher de ces carnivores qui avaient un comportement comme nous. Que des chevaux. Et les chevaux, il faut pas se faire d'illusions. Les chevaux, c'est extrêmement sauvage, hein, c'est extrêmement féroce. Donc, je pense pas du tout, c'est pas pour rien que les chevaux ont été domestiqués très, très, très tard. Moins 4, 3000, moins 4000, c'est ça, à peu près. Oui, il y a probablement, ou plutôt 5000 ans, il y a 5000 ans, ou plutôt. Christophe Hitt, c'est ça, hein, c'est l'histoire commune exactement. Entre l'être humain et le loup, c'est que on partage la même niche écologique. Le loup exactement. Est un humain pour l'homme ou l'homme est un loup pour le loup ou quelque chose comme ça. Exactement, les deux espèces d'une part ont partagé les mêmes zones géographiques, l'hémisphère nord, et également les collègues anthropologistes et archéozoologues vous diront que nos deux espèces sont des espèces sociales déjà, les meutes de loups, les espèces humaines, ont un niveau de hiérarchie sociale, sont des espèces qui coopèrent. Et donc, nos deux espèces, le loup et l'homme, avaient finalement tout pour se rencontrer, coexister, et commencer ensuite passer d'une compétition, sans doute assez féroce pour l'accès à la nourriture, à une relation, une coopération. L'espèce homme et loup, en tout cas, est basé sur une relation qui s'est intensifiée jusqu'à devenir une coopération. Et donc, ça a été le premier animal accessible. Alors, l'origine géographique, le moment de la domestication, son nombre d'occurrences, tout ça reste encore méconnu. On va prendre chacun de ces points un par un tout à l'heure. Mais néanmoins, on a tout de même à notre aide de nombreux nouveaux moyens d'investigation qui sont désormais accessibles pour les chercheurs dans leurs différents domaines de recherche. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous m'aviez écrit une blague sur les os à ronger, mais je vous la laisse. Non, bah écoutez, je suis allé à la rencontre, en tout cas pour comprendre comment les archéozoologues travaillent sur l'histoire tortueuse de la domestication du chien. Je suis allé rencontrer Jean-Denis Vigne, qui est archéozoologue, directeur de recherche CNRS au Muséum d'Histoire Naturelle et spécialiste de la domestication. Entre restes fossiles de qualité, analyses morphologiques et données de biologie moléculaire, Jean-Denis Vigne nous explique de quoi lui et les autres archéozoologues ont besoin pour comprendre comment le chien est devenu notre meilleur ami. Et pour finir, Jean-Denis Vigne nous explique également comment il étudierait le cas de ce jeune canidé, découvert dans le pergélisol sibérien, s'il en avait la possibilité. Le premier outil dont on a besoin, c'est des pelles, des pioches et des truelles et des petits pinceaux pour aller fouiller. Parce qu'on manque considérablement de données de terrain et de données de terrain trouvées dans des bonnes conditions stratigraphiques, bien datées, dans des contextes bien maîtrisés. Donc la fouille reste vraiment l'essentiel. Alors au-delà de ça, bien sûr, on a différentes méthodologies qui sont plus ou moins pointues. On a de l'anatomie comparée, de la morphologie classique. Et cette morphologie, on l'agrémente d'outils beaucoup plus pointus maintenant avec ce qu'on appelle la morphométrie géométrique. C'est-à-dire que on modélise la forme des dents, des os, et cette modélisation qui devient une grosse matrice mathématique finalement peut être comparée entre individus et on fait apparaître des différences qui sont totalement invisibles à l'œil nu. Donc ça multiplie par 100, 200, 500 les capacités du chercheur à voir des différences, à les identifier, à les comprendre et à les relier ou non à un phénomène de domestication. Donc ça, cette morphologie nouvelle, elle vient compléter les mesures traditionnelles qu'on fait avec des pieds à coulisses, des mètres, etc. Mais elle la complète de manière extrêmement efficiente, en particulier au tout début de la domestication, où les modifications sont très faibles. Et puis on a évidemment Des outils moléculaires, l'ADN ancien, hein, ADN dégradé, qui au départ nous a permis juste d'identifier des lignées, parce qu'on travaillait avec des moyens technologiques relativement faibles et peu productifs qui nous permettaient pas d'avoir accès aux gènes eux-mêmes. Et puis avec le développement de la paléogénomique maintenant, où on sort des séquences d'ADN à flux accéléré, eh bien là on a des données maintenant qui nous parlent des capacités de digestion, de la couleur du pelage, peut-être un jour des oreilles, des aboiements et des comportements simplement des chiens. Puis on a encore autre chose, qui est un autre outil qu'on développe, qui a été assez peu développé pour le chien, mais je pense qu'il y a un bel avenir, c'est l'analyse des isotopes, c'est-à-dire des formes atomiques de l'oxygène, du carbone, etc., qui dépendent de l'alimentation des animaux. Pour faire court, un chien qui va s'alimenter uniquement de viande, enfin un loup pardon, qui va s'alimenter uniquement de viande de gibier, et puis qui va passer dans la société humaine et commencer à partager des repas avec du poisson par exemple, eh bien ce chien il va enregistrer dans ses os, dans ses dents, des signatures isotopiques qui vont montrer qu'il a mangé des animaux venant de la mer. Et cette biogéochimie isotopique appliquée à cette problématique est particulièrement intéressante parce qu'elle nous parle de l'alimentation, elle nous parle des migrations, enfin c'est des déplacements des animaux, et on peut mettre en regard ce que l'homme a mangé, ce que les canidés ont mangé, que ce soit des loups ou des chiens, et là aussi générer un jeu d'informations complémentaires des précédentes. Récemment, il y a eu une découverte qui a un petit peu, qui a une grande publicité, on va dire, de ce chien, de ce loup, on ne sait pas très bien, découvert dans le permafrost en Sibérie. Si aujourd'hui, par miracle, ce chien ou ce loup était sur votre table, par quoi vous commenceriez, quel type d'analyse vous feriez et comment vous avanceriez sur ce cas un peu critique et complexe? Alors, c'est un cas critique et complexe, vous avez raison, parce que l'animal en question, si je me trompe pas, est un animal jeune. Et c'est ça qui fait qu'on s'interroge. Ça serait un adulte, je pense qu'on aurait beaucoup moins de questions. Mais c'est un jeune. Or, au cours de la croissance, les reliefs osseux, les formes définitives du squelette sont pas encore fixées. Donc c'est très très compliqué. Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'outils qui permettent de différencier un jeune chien d'un jeune loup. Alors, je pense que la première chose que je ferais, c'est que je me plongerai dans les collections du muséum, j'irai chercher des jeunes chiens, des jeunes loups qui ont à peu près le même âge que celui qu'on a trouvé là, et cet âge, on peut l'identifier assez facilement, et puis j'essaierai de faire une série de références, et avec des outils d'abord traditionnels, des mensurations tout simplement, j'essaierai de voir si je peux pas trouver des indices, et puis si je vois que j'y arrive pas, eh bien peut-être que je m'attaquerai à non pas aux dents, parce que les dents elles bougent pas, soit elles sont des dents de lait, soit elles sont des dents définitives, elles bougent pas, mais aux morphologies, je sais pas, des os crâniens, enfin des pièces qui sont conservées, pour voir si on a affaire plutôt à une croissance, puisque là on est vraiment dans le développement de croissance, de loup ou de chien, et si on peut ou non faire la différence. Après, il y a peut-être d'autres choses qu'il faudrait aller regarder aussi. Justement, je parlais des isotopes. Peut-être que cet animal a eu une alimentation qui n'est pas typique de celle du loup, et peut-être que ça sera un bon indice. Sur le plan génétique, ça va être très compliqué, parce que le génome de cet animal risque fort d'être très proche du génome d'un loup. Pour l'instant, je pense qu'on ne peut pas trancher sur ce cas, parce qu'il faut développer toute cette recherche de fond qui risque de prendre plusieurs années quand même. Voilà, le recours également à l'approche morphologique pour trancher ces débats. Peut-être une réaction simplement l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Eva-Maria Gegel, sur le reportage et sur l'approche morphologique, par exemple, notamment l'approche isotopique des aliments, parce qu'on va voir que la modification de l'alimentation est une des choses qui va clouter la distinction, la différenciation entre le loup sauvage et le chien domestique. Ça, c'est certainement une bonne approche. Les méthodes isotopes sont très complémentaires des méthodes génomiques. Donc, ça fournit une richesse d'informations qui nous permet vraiment de nous attaquer à la question de la domestication par l'alimentation. Christophe Hitt. Oui, Jean-Denis Vigne résume parfaitement bien la situation, c'est-à-dire qu'il faut avoir une approche multiple et pluridisciplinaire. Donc Jean-Denis parle de l'archéozoologie, qu'il faut coupler à la paléogénétique, donc l'étude de l'ADN ancien, et de la discipline qu'il connaît parfaitement bien, de l'analyse des radioisotopes. Toutefois, pour analyser l'alimentation, peut-être que à cette époque, moins 15 000, moins 18 000, l'alimentation est sans doute encore assez peu différenciée. On sait que le chien domestiqué a accédé à une nouvelle alimentation essentiellement au moment de l'agriculture, du néolithique, il y a moins 8000 ou moins 7000 ans, où le chien a acquis la possibilité digestive de s'alimenter avec l'amidon, avec les plantes. C'était un élément très très important justement dans la fixation de cette différenciation morphologique et notamment de la capacité justement d'ingérer de l'amidon, cette rupture, en tout cas cette dissociation au moment de la sédentarisation, Eva-Maria Gegel. C'était plus tard, hein. Maintenant on dit, c'est, dans les derniers papiers, ils disent c'est à peu près la même époque que le développement de la tolérance vis-à-vis du lait chez les humains. Donc apparemment autour de l'âge de bronze que les chiens auraient eu cette mutation qui leur a permis de digérer l'amidon. Donc Christophe a raison, probablement on ne verrait pas trop de différence dans ce spécimen de 18 000 ans. Parce que je doute quand même qu'il aurait mangé des racines comme l'ont fait les chasseurs-cueilleurs de tout le temps. Hein. Et peut-être des baies et d'autres végétaux. Donc probablement, les isotopes ne vont pas être très informatifs pour ce spécimen-là. Mais plus tard, dans l'histoire, néolithique, âge de bronze, là, oui. Alors, quel âge, quels sont les indices qui nous permettent de resserrer cette fourchette pour l'âge de la domestication? Y en a-t-il eu une ou plusieurs? Et puis surtout, comment expliquer cette hétérochronie du chien domestique et l'immense diversification des traits morphologiques pour un seul patrimoine génétique? Eh bien, ce sont toutes les questions que nous allons aborder dans quelques instants dans la deuxième partie de l'émission. Vous avez pas vu Mirza? La la la la la. Vous avez pas vu Mirza? La la la la la. J'avais pas vu Mirza. Oh la la la la la. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Ça y est, je le vois, veux-tu venir ici? Je ne le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Sale bête, va. Veux-tu venir ici? Comment ne pas céder à un petit morceau de Nino Ferrer, Mirza sur France Culture à 16h38, lorsque nous parlons du chien et de sa domestication depuis le loup sauvage jusqu'au chihuahua, au caniche et au carlin. Nous en parlons avec Eva-Maria Gegel, qui est avec nous ici en studio et qui est Eva-Maria Gegel, qui est directrice de recherche CNRS et co-responsable d'une équipe de paléogénomique à l'Institut Jacques Monod à Paris, et avec Christophe Hitt, qui est avec nous en duplex depuis Rennes et qui est ingénieur de recherche CNRS au sein de l'Institut Génétique et Développement de l'Université Rennes 1. Alors continuons, comme je le disais il y a quelques minutes, notre exploration de cette domestication et les différents points d'achoppement autour de cette histoire, à commencer par celui de la date. On l'a dit, on a une fourchette entre 20 et 40 000, mais en fait, le problème de cette fourchette, Eva-Maria Gegel, c'est que les différentes disciplines pointent un peu dans différentes directions. Les estimations génétiques et moléculaires font remonter la divergence à une période entre 16 et 11 000 ans, et pour autant, on sait que vraisemblablement, cette divergence a eu lieu en amont de cette période-là. Comment est-ce qu'on explique ces indices différents donnés d'une part par la génétique, d'autre part par l'archéozoologie? Bon, déjà, on regarde par les mêmes échantillons, je dirais. La diversité, c'est encore autre chose. Quand on regarde la diversité, on a du mal à regarder la diversité à cette époque-là, parce qu'on n'a pas tant d'échantillons. Quand on remonte dans le temps à partir des chiens actuels, on se heurte à la profondeur, on ne peut pas aller au-delà de certaines lignées certains effets de la génétique des populations, par exemple des lignées qui sont éteintes. Donc, c'est entre les deux que ça se situe. Maintenant, quand on regarde la diversité, là, vous parlez de la diversité génétique ou de la diversité phénotypique ? La diversité génétique. Génétique. Oui, donc phénotypique, ça c'est certainement quelque chose d'assez récent. On verra plus tard, effectivement, comment c'est la grande diversité phénotypique des chiens domestiques, ces 400 races différentes pour un génome unique, et on verra comment le forçage génétique, comment les êtres humains ont certainement encouragé et forcé cette diversification. Un mot peut-être, Christophe Hid, sur... notamment, je pense à une étude sur le génome mitochondrial, on en parlait tout à l'heure, d'un loup qu'on appelle loup de Taïmyr. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot de ce loup de Taïmyr ? Ah oui, c'est un spécimen extrêmement important pour l'analyse de la domestication, effectivement, par les collègues suédois, Pontus Skoglund, qui a identifié ce loup. Ah, il l'a identifié donc dans la région du nord de la Sibérie, à Taïmyr. Et ce spécimen a réussi à être séquencé, son ADN ancien a pu être séquencé, et ils ont identifié donc un individu de plus de 30 000 ans, donc ils le caractérisent comme un loup. Cependant, la caractéristique de ce spécimen, c'est qu'il a de fortes proximités avec le loup moderne et le chien moderne. Donc cette équipe modélise, c'est-à-dire établit un modèle d'évolution et de domestication, qu'ils établissent à 27 000 ans les premières séparations. Bon, alors, ce sont des histoires que l'on argumente le mieux possible. 27 000 ans, pourquoi 27, pas 26, pas 28. Mais en tout cas, ils établissent, les collègues, sans doute une diversification de la lignée chien et de la lignée loup à 27 000, 30 000 ans. Et ben Marie Geigel, sur ce loup de Taïmyr et sur, du coup, la chronologie qu'il nous donne. Bah, c'est comme l'a dit Christophe, hein, je peux juste confirmer ce qu'il dit. Ces dates, c'est très difficile d'établir les dates. Donc dire la divergence est là, ça dépend de la méthode qu'on utilise, ça dépend de la qualité du génome qu'on a produit, et ça dépend après des méthodes de statistiques qu'on utilise pour calculer les divergences. Donc... il y a toujours un doute. Moi, je ne colle jamais sur ces dates. Ça nous donne une idée. On n'est pas plus loin. On ne peut pas aller plus loin, je dirais. On ne peut pas être plus précis en ce moment par rapport à ces dates. Mais ce qui est intéressant par rapport à ce repère historique, c'est que, on part du principe que c'est Homo sapiens qui a domestiqué Canis lupus, mais aujourd'hui on commence à mettre des points d'interrogation compte tenu justement des nouveaux indices sur la question de savoir si Néandertal aurait pu domestiquer Canis lupus. Christophe Hitt, Néandertal, on dit que son extinction c'est autour de 30 000 ans, donc on est dans la zone, dans la marge d'erreur, ou sur l'épaisseur du trait en tout cas. Ah oui, au niveau des datations, on est dans la zone limite, effectivement. Si Néandertal s'éteint vers moins 35 000, moins 30 000 ans, et qu'on met la domestication à moins 30 000, moins 35 000 ans, on est juste dans la zone tampon. Pourquoi pas, en termes de datation, il y a une certaine possibilité que ça converge. Cependant, on n'a pas encore, dans l'état actuel des connaissances, trouver des restes archéologiques sur concomitant ou en même temps dans la même aire géographique ou spatiale que Néandertal, etc. Donc la question est tout à fait ouverte. Alors parlez-nous un peu, Christophe, de vos travaux, justement sur cette question de la double origine de la domestication. Ça a été publié dans Science en 2016. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous conduit à proposer cette hypothèse d'une double domestication du loup sauvage ? Oui, les travaux sont réalisés dans le cadre d'un consortium à la fois international et pluridisciplinaire, et les collègues qui ont mené vraiment l'étude d'Oxford ont eu accès à un chien localisé en Irlande, dans l'est du pays, et dont la datation correspond au néolithique supérieur avec 4-5 000 ans. Donc on est déjà relativement récent. Le séquençage de cet individu a pu être réalisé à la fois pour sa partie mitochondriale et pour sa partie nucléaire. Toutes ces données d'ADN ancien sont ensuite comparées aux autres échantillons anciens et aux échantillons modernes. Là, on dispose sans limite de l'ADN de chiens, de loups modernes. Ces comparaisons et la modélisation, avec toutes les limitations dont on parlait à l'instant, nous font conclure que cet individu date de chiens domestiqués en Europe. Il va correspondre au plus ancien reste européen. Mmh. Cependant, le chien moderne tel que nous le connaissons aujourd'hui a une proximité plus forte avec les chiens anciens qui sont originaires d'Asie. C'est ce qu'on appelle l'haplogroupe A. Voilà. C'est ça. Donc, il y a des signatures génétiques, effectivement, on parle d'haplogroupes qui ne se correspondent pas. Donc, l'hypothèse émise dans cette publication est que plusieurs foyers de domestication ont pu avoir lieu. Puis, par contre, les populations de l'Eurasie, de l'Ouest, de l'Est, pardon, de Chine, ont suivi les populations canines, ont suivi les migrations humaines et ont petit à petit remplacé les foyers de domestication d'Europe occidentale. Et donc aujourd'hui, ces traces sont effacées. Mmh. Eva-Maria Gagel, sur justement cette controverse sur la simple ou la double domestication, il y a ces travaux qui sont effectivement des travaux solides et qui ont été contredits par une étude ultérieure publiée dans Nature Communication en 2017 qui situe cette étude, une divergence unique, alors plus loin encore, hein, je crois qu'elle les situe entre 36 900 et 41 500 ans, c'est-à-dire qu'elle fait remonter, là encore, et ça réouvre évidemment encore un peu plus le débat qu'on vient d'avoir autour de Néandertal, cette domestication très très loin. Qu'est-ce qu'il faut penser de ces deux études contradictoires? Ce sont deux études qui incluent les mêmes auteurs. Hein. Mmh. Donc, bon, ça c'est de la science. On avance. On avance, on peut se contredire, c'est normal. C'est vraiment la science. On fait des hypothèses, on les teste avec les outils qu'on a. Les outils évoluent, on reteste et les résultats sont pas toujours les mêmes. C'est tout à fait normal. Il y a rien d'anormal là-dedans. Donc, dans cette nouvelle étude, les mêmes chercheurs ou il y a d'autres partie, aussi, oui, c'est voilà. Une partie. Hein. Donc c'est les labos qui ont dirigé cette deuxième étude ne sont pas les mêmes. Ils ont utilisé d'autres outils mathématiques, statistiques. Ils avancent que c'était des artefacts dus à une inclusion de données calibrées et non calibrées dans une même analyse qui aurait produit cette hypothèse comme quoi il y avait un double origine. Donc, Christophe Hitt, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette deuxième étude de 2017? Alors effectivement, les études s'enrichissent mutuellement les unes des autres, hein, même si elles arrivent à des conclusions plutôt différentes. Cependant, les échantillons analysés par les autres collègues datent du néolithique un petit peu avant et un petit peu après. Ils sont issus d'un site en Bavière ou en Allemagne, si je me rappelle bien. Donc, Allemagne, comme Allemagne, oui. Ouais, Allemagne. Comme disait Eva-Maria, les échantillons sont légèrement différents, les méthodologies sont légèrement différentes, donc les conclusions divergent un petit peu. Quoi qu'il en soit, ce sera l'abondance d'échantillons, si on est à même d'analyser d'autres restes, d'autres fossiles, qui vont nous permettre de synthétiser et d'avoir des conclusions plus consensuelles. Peut-être comme ce fameux Dogor dont on attend encore que son ADN et que différentes analyses parlent. Juste pour bien comprendre et pour synthétiser, Christophe Hitt, vous, votre étude postulait qu'il y avait donc deux foyers de domestication, un en Asie, un vraisemblablement en Europe de l'Ouest. L'autre étude postule que finalement ce foyer de domestication d'Europe de l'Ouest serait éteint et qu'il ne resterait plus aujourd'hui dans les lignées de chiens domestiques que la lignée de asiatique, c'est cela? Voilà, ouais, c'est ça. C'est les conclusions qu'apporte l'autre étude. Alors, on va poser une autre question. On va continuer à avancer, puisque évidemment, plus on se rapproche du présent, plus on a d'indices et plus on peut s'exprimer sur des faits attestés. Cette question de l'hétérochronie de Canis lupus familiaris. Alors, l'hétérochronie, c'est finalement l'extrême rapidité de la diversification des traits physionomique, morphologique, à partir d'un même patrimoine génétique. Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on a des traces fossiles ou peut-être même historiques, et non plus préhistoriques, du début de cette diversification, de sa rapidité en tout cas, Eva-Maria Gagel? Chez les loups? Chez les chiens, non, chez Canis lupus familiaris. En fait, je dois dire, je ne sais pas au niveau des archives fossiles de quand ça date. J'imagine que la diversification, qui est clairement aujourd'hui un résultat de la sélection, de la pression, c'est la sélection exercée par les humains. Parce que les chiens, ils ont été sélectionnés pour différentes tâches. Ça, c'est par exemple par comparaison avec le chat sur lequel nous on travaille. Donc, le chien, il a été sélectionné pour exercer différentes tâches. Lesquelles? Et ça se voit. Bah, comme sauver des gens dans l'eau ou à la montagne ou chasser des blaireaux dans les terriers, des choses comme ça, ou les chiens de berger. Donc on a toute cette variabilité phénotypique qui est quand même énorme chez les chiens. La comparaison entre un Doberman et un Chihuahua, c'est quand même étonnant que ça, même on dirait même pas que c'est un chien, mais ils se reconnaissent comme chien. Et ils peuvent se reproduire. Normalement. Normalement, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, génétiquement, physiologiquement, on n'a pas. Ils ne peuvent même pas accoucher normalement. Donc, alors, ça, c'est certainement relativement récent. Christophe Hitt, peut-être, effectivement, quels sont les premiers traits qui sont sélectionnés et qui conduisent finalement à cette grande diversification phénotypique qu'on connaît, hein, puisque on recense aujourd'hui plus de 400 races canines. Oui, alors il faut distinguer deux temps. Donc jusqu'à présent, on a parlé de la domestication. Donc depuis plus de 20 000 ans, on a domestiqué le chien. Donc ça, c'est un premier élément, c'est le nombre d'années sur lequel depuis. C'est l'animal domestiqué depuis le plus longtemps. Donc on a 15 000 à 20 000 ans de recul, alors qu'on l'a dit, le cheval, la chèvre, le mouton, c'est moins 5 000, moins 6 000. Donc on a commencé très tôt. Donc on a sans doute apporté des pressions de sélection depuis très longtemps. Deuxième élément, c'est que c'est un processus, la domestication du chien, extrêmement complexe. Il y a eu sans doute plusieurs origines de l'introgression, c'est-à-dire les premières lignées de chiens domestiqués ont sans doute été un peu recroisées avec d'autres loups. Donc on a dû apporter beaucoup de diversité génétique issue de plein de sous-espèces de loups au cours de ces 15-20 000 ans. Et ensuite, quand on parle des chiens modernes que l'on connaît actuellement, du chihuahua au dog allemand. Donc ça, on va parler de sélection purement humaine, et là, on va parler de ces derniers siècles, où les grandes étapes se sont déroulées en quelques centaines d'années. On dit qu'il y a aujourd'hui quatre grandes catégories de chiens, en tout cas définies par Jean-Pierre Ménien, selon leur morphologie, les molossoïdes, donc les chiens de type molosse, les brachoïdes, les graioïdes, qui sont les chiens de type lévrier, les lupoïdes, qui ressemblent morphologiquement aux loups. Il semblerait, et alors je mets ça à votre... Je vous soumets cette idée, il semblerait que les premiers types, les premières différenciations, soient les molossoïdes d'une part et les graioïdes de l'autre, c'est-à-dire les gros chiens de chasse dans un premier temps, et des chiens rapides aussi, des chiens de course pour le gibier en fait, qui sont des utilisations ni plus ni moins de développement de la chasse en meute humaine cette fois. Eva Maria Geigel, qu'est-ce que vous en pensez? Je peux imaginer ça, mais je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas si Christophe a d'autres... Christophe Hitt? Oui, effectivement. Alors, il y a plusieurs classifications. Hein. Donc, vous avez cité ces quatre grands groupes. Il y a également la Fédération Cynologique Internationale, la FCI, qui sous-groupe les races de chiens en 10 grands groupes. Et effectivement, en tout cas, depuis 200 ans, le chien est sélectionné depuis... pour différents intérêts. Donc, dès l'Antiquité, le chien occupe de nombreuses fonctions, telles que le chien de garde, le chien de chasse, le chien de guerre. À partir, plus près de nous, à partir du Moyen-Âge, ce sont des variétés de chiens de chasse qui sont sélectionnés pour leurs aptitudes, leurs techniques. Il y a des chiens d'arrêt, il y a des chiens qui rapportent, comme les retrievers, les labrador retrievers. Il y a des chiens de sang, il y a des chiens d'oiseaux, etc. Donc, c'est la chasse qui va commencer à déterminer des races très spécifiques. Puis, les limiers, les braques, etc. Et la fixation des caractères va créer une notion de standard assez récemment. Donc quand on dit standard, c'est vraiment appliquer les mêmes sélections sur des races de chiens. Et ça va arriver à partir du 15e, 16e siècle. Mais la notion de standard pour arriver aux races connues, elle va s'affiner vraiment au 19e siècle avec l'essor de la cynophilie qui est consacrée aux premières expositions canines, à Londres, à Paris, dans les années 1860, etc. Et aujourd'hui, une évolution tout à fait récente et tout à fait marquante, c'est le passage du chien dans un registre qui est passé du purement utilitaire à un registre affectif, quoi. Donc maintenant, on a le chien de compagnie. Le chien qui nous est familier, quoi, canis familiaris. Et on a une explication tout de même à cette très très grande, comme je le disais tout à l'heure, hétérochronie. On sait juste de la pression de sélection intense, comme vous l'avez dit, sur plusieurs dizaines de milliers d'années, ou est-ce que il y a des caractéristiques particulières, génomiques, à cette différenciation, à cette très grande différenciation phénotypique de canis lupus familiaris, Christophe Hitt? Ouais, alors ça c'est vraiment la grande question que nous en génomique et en génétique on se pose. Il existe une plasticité de ce génome qui a permis de faire des chiens qui font soit 1 kg, soit 75 kg, soit 10 cm, soit 75 cm, mais on ne la connaît pas encore sur le plan vraiment fondamental. Les bonnes hypothèses, c'est qu'il y a ce potentiel de diversité qui est là depuis 15-20 000 ans, pour les raisons que je vous disais tout à l'heure, beaucoup de diversité, beaucoup de sous-espèces de loups, et la pression de sélection humaine qui date, qui est très ancienne. Mais pourquoi a-t-on réussi à faire des animaux qui changent 8 fois en poids, 10 fois en taille, et qu'on ne l'a pas réalisé avec certaines espèces d'oiseaux ou d'autres mammifères? Il doit y avoir des caractéristiques du génome du chien qu'il nous reste à découvrir. Il y a, pour conclure, une étude toute récente justement sur la domestication, on en parlait avec vous d'ailleurs à ce micro même, Eva Maria Gueyol, qui mettait en lumière les traits pédomorphiques des animaux domestiqués, notamment particulièrement chez les chiens, et avec des muscles qui sont apparus, des muscles d'expression, notamment au-dessus des yeux, le LAOM pour l'éventeur angulier oculi médialis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a confirmé le fait que finalement, les chiens avaient quelque chose de l'ordre de cette apparence pédomorphique, ou en tout cas du loup juvénile qui a été sélectionné par l'espèce humaine justement pour en faire des animaux de compagnie. Christophe Hitz ? Oui, la pédomorphose, effectivement, si vous me présentez des individus lesquels je vais sélectionner, ceux qui vont paraître les plus gentils, les plus mignons, doux, etc. Les plus mignons et ceux qui ont un aspect juvénile. Donc ce sont ces hypothèses de pédomorphose qui indiquent que l'on va sélectionner sur des critères de juvénilité et donc enrichir en animaux qui répondent mieux au stress, qui ne sont pas agressifs, etc. Il y a cette expérience d'évolution à très très court terme qui a été faite sur des renards gris en Russie, qu'on peut peut-être réévoquer, Eva-Maria Gueyol. Oui, on l'avait effectivement évoqué, mais récemment il y a des doutes sur cette expérience. Ah bon ? Comme quoi ils auraient déjà utilisé des renards qui ont été déjà sélectionnés auparavant. Donc au moins sur la vitesse, ça sème la doute. Donc je suis plus si sûr que ça soit aussi rapide. Christophe, vous pouvez nous rappeler en un mot en quoi consistait cette expérience qui a été faite sur 10 générations, je crois, de renards pour les transformer en animaux domestiques. Oui. C'est une célèbre expérience du généticien Dimitri Belaïev qui travaillait en Russie à Novosibirsk et qui a pris 30 renards sauvages sans femelles pour faire une expérience de domestication. Et effectivement, il est arrivé à un résultat incroyable. En 10 générations, ces renards présentaient des comportements souhaités, une affection envers les humains, une docilité, etc. Et des caractères pédomorphiques, par ailleurs. Et des caractères pédomorphiques. Mmh. Donc, on a un petit peu regardé ça avec des lunettes roses en disant qu'il avait refait la domestication en 10 générations. Mmh. Mais comme le souligne Eva Maria, effectivement, ces études sont un petit peu contrastées aujourd'hui parce que ces individus qu'il a pris au tout début étaient déjà issus de fermes qui les utilisaient pour la fourrure. Donc, ils étaient peut-être déjà rentrés dans un processus de prédomestication. Donc, ce qui ne remet pas en cause la volonté de Belaïev, mais ce qui remet en cause peut-être l'intégralité de la domestication. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Eva Maria Gueyol. Merci beaucoup vous. Christophe Hitt. Merci à nos camarades de France Bleu Armorique à Rennes pour le duplex. Merci d'être venus nous parler de la domestication de Canis Lupus Familiaris. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Je dis à Eva Maria Gueyol qu'on se reverra bientôt pour parler de la non-domestication du chat. C'est sur quoi vous travaillez. C'est assez passionnant puisque le chat n'aurait finalement pas été domestiqué. Mais on aura l'occasion de refaire une émission à ce propos. Merci à toute l'équipe de la méthode. Antoine Beauchamp, Noémie Neguet-Saint-Vulf, Francine Lozen, Natacha Trio, Alexandra Delbo, Olivier Bétard à la réalisation, YouTube Diego Hack Lopez à la technique. Demain, nous essaierons de trancher dans un autre débat, et un débat bien complexe lui aussi. Nous nous interrogerons sur la forme de l'univers en compagnie de Marc Lachiezeray et Jean-Philippe Usan. Eh bien, rendez-vous donc demain à 16h avec un papier et un crayon, s'il vous plaît, jusqu'à preuve du contraire.